Exercice 5. A. Le tien. Le mien. La sienne. Le sien. B. Il donne. Il sonne. Ils vont. Ils fonctionnent. C. Aucun. Quelqu'un. Chacune. Un. D. Argent. Examen. Matin, lundi. E. Mangeons, chantons, comptons, dansons.